peu calmé. Un soir avec ses copains, il a tellement picolé qu'il a perdu son pain. S'est alors retrouvé devant un lieu de prière et il a rencontré un mec qui s'appelait mon père. Il a pris 5 ans de prison pour lui avoir vomi dessus. Faut dire que les religions de Johnny, il y a jamais cru. Et dès qu'ils l'ont libéré, il s'est remis à boire pour plus jamais s'égarer. Depuis il dort au bar. Johnny boit trop, ça lui crée parfois des problèmes. On le surnomme le sulo depuis la fin de la maternelle. Johnny boit trop, sa mère en est super fière car il a repris le flambeau après le décès de son père. Thank you. La formation Valleys et la pièce Killer Legs de l'album Sometimes Water Kills People. C'est nouveau du côté anglophone en 19e place. Avant ça, c'était Stable, Pickwick et le Soulo. C'est l'album Chanteur de Charme. Vous êtes au Palmarès C'est Fou jusqu'à 20h. C'est un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Et en passant, allez voir sur www.assemblagerequis.com pour savoir ce qu'il y a dans l'émission de ce soir et les autres émissions, dont Assemblage Requis. Parce que la prochaine édition d'Assemblage Requis, lundi, va être remplie de plein de choses, dont François Landry qui va venir nous parler de politique. Et dans la chronique CNX, on va faire un petit tour du net. Ça se passe lundi à Assemblage Requis. C'est à 15h. Nous, on continue avec les positions numéro 18. Il nous reste une seule nouvelle entrée. Elle est du côté anglophone. On va entendre la formation Kill the Lights et At the Ruins. Mais avant ça, on s'en va entendre une autre pièce qui est elle aussi stable du côté francophone. Voici Automélodie et Ciao, Ciao, Ciao. Vous êtes assez fous, 89.fm. Petite guette. Accroche-toi, je t'emmène sur ma Vespa. Accroche, cœur, je t'emmène où tu voudras. Dis-moi, comptes-tu jouer les gays toute ta vie? Et pourras-tu m'aimer même si je t'aime? Tu n'entends pas? Mes questions sont déviées par ton foulard et sur la voie publique. Les véhicules sont des gommes qui effacent mes paroles, alors tant pis. Le scooter contourne les attractions d'une capitale que j'ai imaginée. Nous ne savons pas ce que on a, j'ai si peur, surtout je ne veux rien cacher. Le moteur lâche au milieu du trafic, je ne pourrais pas te déposer. Tu disparais au métro République, je fais comme si rien n'était. Ciao. La Vespa est à vendre, un modèle 77, offrez ce que vous voulez. D'ailleurs elle est cassée, mais c'est presque donné, achetez-la pour les pièces. Ces histoires de garage, là franchement comme métaphore, j'aurais pu faire mieux. Et j'aurais pu dire mieux, quand tu t'es envolé, qu'est-ce que tu dis? Adieu. Ciao, ciao. Mais c'est une fois. C'est fou 89,1 FM. La radio autrement. Nouvelle entrée de la formation Kill the Lights, c'est At the Ruins de l'album Fog Area et c'est la dernière nouvelle entrée du côté anglo en position numéro 18. Avant ça, on a entendu Automélodie et Ciao Ciao Ciao qui est stable, cinquième semaine de présence. Ça a monté un peu, pas jusqu'au numéro 1, puis ensuite ça a redescendu. Donc c'est très éphémère, Automélodie en ce moment. On est rendu aux positions numéro 17, mais avant ça, je vous mentionne que la semaine dernière, les numéros 1 étaient du côté franco, les Fatal Picard avec le combat ordinaire, et en anglo, c'était Snoo avec Stand Up High. Pour savoir si ça reste au numéro 1, il va falloir rester avec nous jusqu'à 20h au palmarès. C'est fou! Position numéro 17 maintenant, du côté anglo, ça monte de 3 places, la formation Sub avec Looking Down. Ça monte pour une deuxième semaine, en fait, parce que c'était nouveau la semaine dernière. Avant ça, voici numéro et H-O-N-N-E-U-R. Ça veut dire honneur, finalement, mais avec des points. La ponctuation, c'est toujours le fun. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Messieurs, l'heure est choisie. Ça fait longtemps que j'y pense. Bombarder l'édifice. Faire de la contrebande. Allons, lumière et diplomatie. L'honneur de la pression se mérite. Le coup de tête d'un père de famille. Si je comprends, c'est moi qu'on enlise. Ce sourire cache l'envie de trahir. Ne vous y trompez pas. Ma vie, je la gâche et hâte de finir. que la messe est dite, sortez. Les objets contendants, torture. Libère mon territoire, l'espoir est sur mon continent. Messieurs, je regarde le soleil jusqu'à me griller la rétine. Si je plonge, vous viendrez avec moi. Respiration profonde, ce serait cache l'envie de trahir. Ne vous y trompez pas. Ma vie, j'la gâche et hâte de finir. Ne serait contre moi. Ce serait cache l'envie de trahir. Ne vous y trompez pas. Ma vie, j'la gâche et hâte de finir. Ne serait contre moi. Et Looking Down, position numéro 17 anglophone, ça monte de 3. C'était nouveau la semaine passée. Avant ça, l'entendu numéro est H-O-N-N-E-U-R, qui est stable. Cinquième semaine de l'album Sport de combat. J'aime ça. H-O-N-N-E-U-R. Position numéro 16 maintenant, du côté anglo, ça monte de 3 places. On trouve Hot Tress de la formation Dreadnoughts. Mais avant ça, on va l'entendre, Les Incendiaires. Elle descend de 10 places, malheureusement. La menace digitale, c'est au palmarès, c'est fou. Et c'est au 89.1 FM. Et puis-je dire aussi que vous adorez ça. Je sais, je vous connais, vous aimez ça. Apocalyptique. Des infinités cimes. don't you understand? Now it's a long way to Kelowna, and I walk the whole night through, just to be the one together in the sun with you. This is here. Well, I asked her for a name. She flashed a wicked grin. Well, I asked for a glass of water. She bought a triple gin. Said, well, I see you. Huntress, don't you understand? As she walked past our table, throw my pass out. Oh, she's gotta put me on. That's what I'm all about. Say, whoa, I wanna see you. Huntress, don't you understand? Now it's a long way to Kelowna, and I walk the whole night through, just to be the one together in the sun with you. Huntress is here! Dreadnought et Huntress qui montent de 3 places en 16e anglophone. Avant ça, c'était Les Incendiaires et La Menace Digitale qui passent directement de la 6e à la 16e. C'est triste, c'est comme s'ils avaient pris en feu. Les Incendiaires. Hein? OK. Vous êtes au Palmarès, c'est fou, on commence de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. On est ensemble jusqu'à 20h. À 20h, je vous le rappelle, Kiwan n'est pas là, mais quand même, il va y avoir une édition de La Dernière Porte à Gauche, en rappel. À partir de 20h, puis ce sera Les Lutins de l'Enfer à 21h. C'est une belle soirée bien chargée. Au 15e position maintenant, du côté anglophone, on monte de 3 places Bad Medicine de Die Mannequin, ou Die Mannequin, comme j'ai appris à le dire de façon allemande, Die Mannequin. Avant ça, voici les Sprats et 4x4. Vous êtes assez fous, 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. C'est fou dans vos oreilles. Get back in! Get back in! J'ai pas peur de pleurer, mon! Get back in! numéro 15. Avec Bad Medicine qui monte de la 18e à la 15e place anglophone. C'était une nouvelle pièce, une nouvelle entrée la semaine dernière. C'est leur album Fino and Bleed. Et avant ça, on a entendu du côté franco les Sprats avec les 4x4. Ça, c'est stable. 3e semaine de présence. Et leur album, c'est Joanne chante les Sprats. C'est beau, hein? Ouais, pour les 15e, on a déjà quoi? Le quart de l'émission de fête en termes de pièces, mais le tiers presque en termes de temps. On compresse ça, nous. 20 pièces francophones, 20 pièces anglophones. Comme ça, les vendredis soirs entre 17h et 20h au Palmarès. C'est fou. Allez voir cifou.ca pour en savoir plus sur Cifou. En passant, il y a la grille horaire là-dessus. Il y a des balados diffusion, plein d'entrevues, dont Pépé et sa guitare qu'on a fait récemment, Vincent Vallière et un paquet de trucs comme ça. C'est dans la section balados diffusion. Et un paquet d'autres choses, www.cifou.ca. C'est l'adresse à retenir. En position numéro 14 anglophone, on retrouve Band of Skulls avec Fires. Mais avant ça, du côté francophone, elle descend de 4 places. Voici La solitude amoureuse. De 0 à 1, vous êtes au palmarès, c'est fou. Au 89.1. Je me suis bien écrasé. miroir, je m'en remets dans mes emails. Ce soir, j'irai en boîte et je ferai un carton. Mm-hmm. Fires de la formation Band of Skulls, ça vient de leur album que je commence à vraiment aimer, Baby Darling Dollface Honey, ça monte de la 17e à la 14e place. Avant ça, du côté franco, c'était 0-1 avec La Solitude Amoureuse qui descend de 4 places avec leur album Calcul des Intégrales. C'est la fin de la première heure des palmarès, mais on se retrouve après la pause avec une deuxième heure. Il va y avoir entre autres la musique de Vincent Vallière, que vous connaissez peut-être, Yann Perrault aussi, Mimi Van Der Glow, ça c'est local, on aime ça. Il va y avoir aussi du Metric et du Junction, restez avec nous, c'est les palmarès, c'est fou! Deuxième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 11 au 17 septembre 2009. Je m'appelle Mathieu Plante, seul ce soir, Kiwan n'est pas là, mais par contre, il y a une rediffusion de la dernière porte à gauche ce soir à 20h, donc soyez là, il va vous tenir compagnie pendant une petite heure. Dans la deuxième heure des palmarès, cette semaine, il y a plein de bonnes choses. Des noms pas mal connus, je trouve, ceux-là. Il me semble il y en a quelques-uns, des fois, qui se faufilent parmi notre palmarès. Il y a Vincent Vallière, on va entendre tantôt, et Yann Perrault. Du côté anglophone, on va entendre du Metric dans quelques secondes. Juste après la pièce de Kaloun Saloun qui se retrouve en 13e francophone, voici ta voix partout. Vous êtes au palmarès, c'est fou, c'est un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. C'est de la musique de la scène émergente. Et vous êtes au 89.1 FM. Viens donc dans ma vie, viens voir tout ce que j'ai appris. Je te vois partout. Numéro 13. Magic, une des formations préférées des animateurs de C'est fou, c'est la pièce Gold Guns Girls. Ça monte de 3 places, c'est en 13e anglophone. Avant ça, on a entendu Kowloon Saloon, hein, avec le Festival Western, ça nous met dans l'ambiance un peu. La pièce ça s'appelle Ta voix partout et ça, c'est stable du côté francophone. On est rendu aux 12e position, mais avant ça, je vous rappelle que les Palmarès C'est fou ont un site internet au www.assemblagerequis.com. Là-dessus, vous allez retrouver toutes les informations sur les Palmarès, sur Assemblage Requis, sur CNX, sur la dernière porte à gauche, toutes les émissions que moi et mon collègue Kiwan, La Liberté, animons ensemble ou pas. Ici à C'est fou 89.fm, c'est www.assemblagerequis.com. Sinon, c'estfou.ca, c'est le site de C'est fou en tant que tel. Du côté anglo, la 12e position est occupée par la formation de Junction avec No Road. Ça monte de 2 places. Avant ça, voici un artiste que bien des gens adorent, voici Vincent Vallière. Il monte de 8 places avec Sortir du bois. Assez fou 89 fois. Reste un bout à faire avant d'arriver, avant d'arriver. Me boire ben une bière, mais faut continuer, ouais, faut continuer. Et quand les teintes sont gris et que tout me désole, je sors la guitare et puis la musique me console. Je m'en vais sortir du bois. T'auras jamais vu ça. Je crois très fort en moi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. S'organiser, faut s'organiser. Je me boirais ben une bière, mais faut se ramasser, ouais, faut se ramasser. Et quand les temps sont durs et que les journées sont folles, ta présence me rassure, ton sourire me console. To the sights and sounds, to the sounds. The Junction et No Road qui montent de deux places en 12e position anglophone, c'est l'album Another Chain. Oh, pardon, non, c'est Another Link et The Chain. Oh, mais c'est bien ça comme nom d'album. En 12e francophone, on a monté de 8 places avec Sortir du bois de Vincent Vallière, c'est de son plus récent album Le Monde tourne fort. On est presque rendu à la mi-chemin de notre palmarès. On ne sait pas encore si nos numéros 1 de la semaine dernière tiennent. On se rappelle que c'était le combat ordinaire des Fatal Picard en franco. Et en anglo, c'était Snoo avec Stand Up High. Il va falloir rester avec nous jusqu'à 20h pour le savoir. Les 18h15, donc environ 1h45, si je comprends bien. On est rendu aux 11e position. Par contre, on va sauter par-dessus la 11e anglophone. C'est Standing Waltz avec Can't Break Me qui descend de la 3e place. 9e semaine de présence pour eux. Voici tout de suite le nombre avec Couleur naturelle qui monte de 3 places. Vous êtes assez fou. 89.fm. Et on avait pourtant laissé crever l'abcès.

Les anciens numéro 1, Snoo avec Stand Up High, sont maintenant en 7e position avec leur album qui s'appelle aussi Snoo. Avant ça, on a entendu les Fatal Picard avec le combat ordinaire qui était aussi numéro 1 la semaine dernière. Ça faisait 7 semaines que c'était dans le palmarès, mais en fait, ça en fait encore 7 semaines. Alors que du côté de Snoo, ça fait 9 semaines que c'est là. Ça va commencer à descendre et peut-être un jour repartir. C'est un peu le concept de palmarès. Hein? Du côté des 6e positions, maintenant, du côté anglophone, on retrouve Mastercraft avec 1000 Cigarettes. Ça monte directement de la 15e position. Avant ça, voici le Roi Poisson et la très très bonne pièce Chien Galeux. Ça se passe maintenant au palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que s'il faut vous offrir au 89.1 FM. Et c'est plus que slogan. C'est notre meilleure musique. C'est une bonne chose. J'adore ça. Sont merveilleux dans leur misère. Et je suis fou d'eux. Les chiens galeux, si merveilleux. Je suis fou de leurs yeux. Son chemin sans qu'elle gronde, mais du vivant dans du mourant, le regard vide indépendant. Je suis fou de l'ancien vide en une fraction. Ce que je sais, c'est qu'ils se parlent, ils se connaissent et ils sont libres. Je suis fou de leurs yeux vitreux. En une fraction de seconde, ils reflètent de ses libertés que l'on rêve mais qu'on ne peut pas se payer.

Surefire Machine et 69 Nova, position numéro 5 du côté anglophone, ça monte de 3 places. Avant ça, on a entendu Chinatown qui est stable avec du jazz, avec l'Apocalypse, ça vient de leur album Cité d'Or. C'est la fin de la deuxième heure des palmarès, il nous en reste une dernière avec les positions 4, 3, 2 et 1. On sait que les premières de chaque côté sont rendues en 7e, les Fatal Picard avec Le Combat Ordinaire et Snoo avec Stand Up High. Donc on a deux nouveaux numéros 1. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu? Qu'est-ce qui a gagné le cœur des animateurs de C'est Fou? Restez avec nous pour le savoir dans la troisième heure des palmarès, c'est fou! C'est fou dans la tête. C'est fou 89.1, la scène émergente. Bonjour, c'est la troisième et dernière heure des palmarès C'est fou pour la semaine du 11 au 17 septembre 2009. Je m'appelle Mathieu Plante et vous avez remarqué, si vous écoutez depuis un petit bout, que ben, je suis seul ce soir. Kiwan n'est pas là. Il est parti voir des spectacles. Hein? Mais il va de retour la semaine prochaine à Assemblage Rocky, lundi au jeudi 15h et les palmarès C'est fou les vendredis 17h. Et il y a une rediffusion de La Dernière Porte à Gauche ce soir pour la dernière fois le vendredi. Ça va être à partir de 20h, rediffusion de La Dernière Porte à Gauche. Et après ça, il va déménager au mardi à 17h. Alors suivez-le dans ses péripéties, ce Kiwan. On est rendu aux positions numéro 4. Du côté anglophone, on trouve The Mars Volta et Halo of Nambutals qui montent de la 7e. Mais avant ça, oh, oh yeah, c'est mon moment préféré. Voici Malajube et Cristobal au palmarès C'est fou au 89.1. We'll be right back. Majub et Cristobal. On s'en va tout de suite entendre la position numéro 4 anglophone de Mars Volta et Halo of Nimbutals. Mais restez là parce que juste après, il va y avoir une paire de billets pour The Shifters qui est en spectacle ce soir. Ça se passe juste après The Mars Volta. Faudrait pas manquer ça, hein? Stampede up. Halo of Numbutals par la formation de Mars Volta. C'est le numéro 4 anglophone. Ça monte de la 7e place. Et ça varge pas mal. Hein? Avant ça, le numéro 4 francophone, c'était nos amis de Malajube avec Cristobal. Et ça, c'est stable du côté francophone. On est déjà rendu au numéro 3. Les choses passent très, très vite. L'émission, ben, est presque terminée. Il reste encore un bon 45 minutes. Et après, ça, il va y avoir la dernière porte à gauche. Et puis les lutins de l'enfer. C'est votre vendredi qui est complété comme ça, d'un coup sec, par ces fous. C'est pas merveilleux, ça? Et en plus de ça, on complète votre soirée en vous offrant une paire de billets pour le spectacle des Shifters. Et ça, de Shifters, ils vont être à la Galerie d'art à l'appart ce soir. C'est dit vers les 20h, ça vous êtes après ça, donc vous avez le temps de vous rendre bien en masse et en plus. Non seulement ça, mais vous avez même pas besoin de passer chercher des billets ici à C'est Fou. Non, du tout. Vous avez juste à m'appeler au 819-376-5183. Vous donnez votre nom, je m'arrange avec ça. Donc 819-376-5183 à mon signal tout à l'heure quand on va passer en musique. Je vais rappeler le numéro juste avant. Mais sinon, The Shifters, c'est ce soir en collaboration avec TCB Tattoo Shop. C'est fou. Il y a un paquet d'autres choses. C'est à la Galerie d'art d'appart, l'appart, voyons, sur Saint-Antoine. C'est avec Rehab for Quitters, Three Bad Bops et The Shifters de Montréal. C'est ce soir. Et c'est super le fun, The Shifters. Donc une paire de billets, 819-376-5183. Ça se passe maintenant. Voici tout de suite... Rouge de 1000 monarques. À C'est Fou 89.fm, vous écoutez les Palmarès C'est Fou. 819-376-5183 maintenant. Mon hiver s'avance sous tes doigts qui gèle autour de moi. Ma lèvre sèche s'écorche et cherche ta langue de bois. Yeah. numéro 3. La caisse de Haut Bijou, c'est le numéro 3 anglophone. Ça monte de 3 places. Avant ça, on a entendu Mille Monarques et Rouge. Ça monte directement de la 12e place. Donc, un bond de 9 positions directement pour Mille Monarques. Disons que c'est pas mal populaire dans les émissions quotidiennes de C'est Fou, surtout. Émissions quotidiennes dont on devrait parler en ce moment. Alors, faisons-le. Hein? Du lundi au jeudi, il y a 3 nouvelles émissions quotidiennes qui sont entrées en ondes récemment. Et il y a de 7h à 9h, La Pilule du lendemain avec Marc Perrière et Sylvain Blais. Entre 11h et 13h, on retrouve Danny Janvier et André Baudet à l'émission Le Dîner de Con. Et puis, Kiwan et moi. Kiwan, c'est lui qui anime les palmarès normalement avec moi. On anime Assemblage requis de 15h à 17h. Ça, c'est du lundi au jeudi. Pas dur à retenir, lundi au jeudi, 7 à 9, 11 à 13, puis 15 à 17. Hein? C'est le fun. Allez voir cfou.ca pour plus de détails. Mais non, on s'en va entendre les positions numéro 2. Du côté anglophone, on monte de 3 places. C'est Steve Hill and the Majestics avec Lost Woman. Avant ça, voici Éléphantine et Une clope, un café au palmarès. C'est fou. 89.1 FM. Une clope, un café. Retour civil and the Majestics et on va savoir qui sont nos numéros 1 dans les palmarès C'est fou au 89.1 FM. C'est fou, l'espace. 89.1. Numéro 2. Majestic, c'est la pièce Lost Woman qui monte de 3 places. C'est en deuxième position anglophone. C'est de l'album de Damage Done. Avant ça, on a entendu Elephantine et Une clope, un café. Pièce qui a monté très vite. Ça fait seulement 4 semaines que celui-là s'est déjà rendu numéro 2. Celui-là était aussi la semaine passée au numéro 2. Peut-être numéro 1 bientôt. Par contre, je viens de voir les numéros 1 qu'on s'en va entendre dans quelques secondes et je suis tellement content de voir ces deux groupes-là au numéro 1. Je trouve ça vraiment génial. Mais évidemment, je dis pas c'est quoi. Parce qu'il faut jouer aux devinettes ensemble, les amis. On aime ça, chaque semaine, c'est tellement un succès. Quand on fait des jeux de mots, c'est toujours bien le fun. J'ai presque comme un jeu d'enfant. T'sais. Jeu d'enfant, tu sais, bon, c'est quoi l'affaire avec la chose autour de la jambe, tu sais, que tu sautes, là. Sur le marel, du tout, hein. Ça, c'est du côté francophone, c'était mon jeu de mots. C'est assez subtil quand même cette semaine, hein. C'est vraiment, c'est pas comme si j'avais dit exactement le nom de la pièce, qui est la marel, la panthère rose, hein. Du côté anglophone, je dirais que le temps avance comme ça. L'émission est tellement longue, 3 heures de succès des palmarès. C'est tellement long, on se croirait presque, tu sais, comme si on était rendu en hiver, tellement c'était long, tu sais. Hein? Winter Hill de The Dubs. On commence avec la panthère rose. Voici la marelle. Une pièce que j'adore, d'un album que j'adore, d'un groupe que j'adore, à une station que j'adore. C'est fou. 89.5. Oh, en première position. Les grands numéros de nos palmarès de cette semaine. Avant de dire le numéro 1, faisons un petit résumé des positions 3 et 2. Hein? Du côté anglophone, la troisième, c'est Obijou avec Black Eyes qui monte de 3. En deuxième, Steve Hill, The Majestics avec Last Woman qui monte de 3 aussi. Et on vient d'entendre le numéro 1 de Dove, The Winter Hill. Ça monte d'une place cette semaine seulement avant d'atteindre le sommet. Ça a pris cette semaine, c'est ce que je voulais dire. Du côté francophone, ça a monté de 12 places directement pour la troisième. De 9 places, qu'est-ce que je raconte? Il commence à être tard, hein? Ça a monté de 9 places. Pas dur à calculer, il me semble. Mille Monarques avec Rouge. En deuxième, c'est stable. Éléphantine avec Une Clope, Un Café. Et finalement, le numéro 1 monte de 7 places. C'est la Patte Rose avec Lamarelle. Voilà pour notre top 3. Il nous reste encore une bonne 18aine de minutes, je dirais, jusqu'à estimer ça. 18aine de minutes. Donc, on a le temps de retourner en arrière un petit peu parce qu'on a sauté par-dessus quelques pièces vers le milieu de l'émission. On s'en va entendre tout de suite le numéro 11 anglophone. Elle descendait de la troisième place. Voici Standing Waltz et Can't Break Me au Palmarès C'est Fou au 89.1 FM. Et restez là parce que tantôt, on va voir quelques classic gold hits des palmarès à venir. Trying to change. drop from the heavens. I don't know how to let you go. Oh, if I should keep you. I don't know how to let you know. I really don't got a reason. I'd like to grab you by the hair and drag you to the devil. Voivod et Crap Radio en 9e position anglophone. Juste avant, on a entendu la 10e position de Dead Weather et Hang You From The Heavens. Et avant ça, la 11e Standing Waltz avec Can't Break Me. C'est les deux pièces qu'on avait dû sauter plus tôt dans l'émission. Et bien, on a le temps d'épasser quand je suis tout seul puis que je dis quasiment rien. Hein? Parlant de quasiment rien dire, c'est l'heure d'un classic gold hit. Hein? Mais des palmarès, fait que c'est relatif. Voici I Know Kung Fu de chez Disco. Vous êtes assez fous au palmarès. Restez là parce que la fin s'en vient. Conversation, booty construction, push out with me in your introspection. Insurrection, no protection. Ooh, I try to hide my erection. I say 1, 2, 1, 2. I know Kung Fu. They only read between the lines, but they can't read you. They watch what you do. They'll let you know when you're not being used. Oh, boo. 1, 2, 1, 2. Now you know what to do. I know Kung Fu, I know Kung Fu. I know superior, interior to you. And you, and you, and you, and you. Chez Disco et I Know Kung Fu, c'était le grand numéro 1 ça, de la semaine du 10 août 2007. C'était un classic gold hit, mais c'est dans les palmarès, donc c'est relatif. Hein? C'est la petite parenthèse, la petite étoile, voilà. C'est tout pour cette semaine, hein, au palmarès C'est fou pour la semaine du 11 au 17 septembre. On se retrouve vendredi prochain, toujours en direct à 17h. Kiwan va animer la dernière porte à gauche dans une nouvelle case horaire à partir de la semaine prochaine. Ça va être les mardis à 17h, mais pour l'instant, il y en a une dernière ce soir. C'est en rediffusion. Ça commence dans quelques minutes. Kiwan est la dernière porte à gauche. Kiwan et moi, on vous retrouve aussi à Assemblage Requis. L'émission du retour, c'est entre 15h et 17h du lundi au jeudi. 3 à 5, lundi au jeudi. Hein, c'est les jours et les heures à retenir pour Assemblage Requis. Allez voir assemblagerequis.com pour les liens d'émission de ce soir et pour en savoir plus sur nos autres émissions. Voilà qui fait le tour pour les renseignements que vous devez retenir par cœur parce qu'il y aura un examen la semaine prochaine. On se quitte avec un autre de nos classiques gold hits relatifs au palmarès. Voici Silvertide et Blue Jeans. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye. She's the kind of girl you bring home to your mother. She looks good in blue jeans, even better on the cover. She's a devil in bed between our sheets. Ask her, she's a saint and she'll get down on her knees and pray. Yeah. Yeah, yeah, yeah. I can't be hiding no more, trying to catch my soul. In a stolen wreck of my whole flying so far. Drunk driving, the trees are swinging by. I can't decide what she's on my mind. I can't be tripping while trying, and I can't find the truth. One of the men is trying to understand you, but it can't be wrong. It's always right. I'll raise our hands, it's time to fight. Cause she's a the devil in bed between our sheets. Ask to see the stain and she'll get down on her knees and pray. So get down on her knees and pray it.